C'est Accordéon Parade que vous écoutez. Une émission 100% musette, c'est sur la bande FM, c'est sur Chargère FM, tous les dimanches de 9h à 10h. Émission que vous propose un sympathique jeune homme. Mais c'est Kiki. C'est Kiki, et eh bien c'est Michel qui vous propose son émission d'accordéon tous les dimanches. Et le titre de l'émission, et eh bien c'est Accordéon Parade. Allez, on est parti pour une heure d'accordéon. Thank you. Merci à Émile Prudhomme qui vient de nous présenter Deux cœurs au Tyrol. Et vous êtes bien toujours sur les 91 MHz de Sorgia FM, votre radio sympathique. Et vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Le plateau de fromage, non. Je vous vois que vous êtes en train de manger du fromage. Tiens, c'est pas l'heure du casse-croûte. Ah si, le mardi à partir de 10h, oui, on peut casser la croûte. Mais le dimanche à 8 à 9h, on prend son petit déjeuner. Alors bon petit déjeuner. Donc le accordéon parade, un plateau d'accordéonistes. C'est le bonjour de l'accordéon tous les dimanches entre 9h et 10h. Et bien sûr, c'est sur votre sympathique radio, Sorgia FM. Et oui, Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus des pliants, pour les amoureux de l'accordéon. Et c'est 100% musette sur la bande FM tous les dimanches. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Alors les valseurs ! Eh bien, bonjour à nos amis valseurs. Ce dimanche, comme il fait gris, eh bien nous allons danser, oui, nous allons danser près du feu qui danse. Et c'est notre ami Bibi, ou si vous aimez mieux, c'est notre ami Augusto Baldi qui nous interprète ce merveilleux morceau. Thank you. le jour et leur fait tourner la tête. Des gosses aussi bien balancés, y en a plus le moule est cassé. Il est bien fait pour l'amour, c'est le donjon du faubourg. Merci, merci à Maurice Alexander qui vient de nous interpréter le Don Juan des Faubourgs. Et le Don Juan des Faubourgs, c'est le vagabond des montagnes, Cyril et Virginie. Merci à ces deux sympathiques Suisses, c'est Gabi et Fernand Lacroix qui nous viennent de Genève, qui ont donné des cours dans les années 50 sur Genève et qui nous a interprété en duo Jolie Bergère. Sous le beau soleil espagnol, fait tourner bien des coupes, c'est leur idole. Même si en France on est plutôt carmagnol, il nous a convertis le beau passeur. Il a le son chaud comme les Hidalgo, qui piquent des banderilles aux Fierro. Séville ou Paris, tout le monde est conquis. C'est de la folie, on en rêve la nuit. Le plus beau de tous les passe-nobles, c'est celui qui fait danser la tsigilie. À Paris, dans tous les bals si chouettes, c'est la fête, on se croirait à la guinguette. Le plus beau de tous les passe-nobles, c'est celui qui fait rêver toutes les filles. Et toujours au cliquetis des castagnettes, le plus beau c'est bien lui le roi de l'Espagne. Le plus beau de tous les passe-nobles, c'est celui qui fait rêver toutes les filles. Et toujours au plus petit des castagnettes, le plus beau c'est bien lui le roi néolé d'Espagne. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. We'll be right back. Merci à Jean-Michel Sonora qui vient de nous interpréter Fastoche. Merci à Kevin et Kevin Lacombe qui vient nous interpréter les fiancés d'Auvergne. Et maintenant, si on allait faire un petit tour chez les moineaux avec notre ami Marceau. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, comme tous les dimanches, 9h-10h, voire plus, c'est Accordéon Parade, une émission que vous propose, que vous présente Michel. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Toujours sur votre antenne de Sorgia FM. Et oui, Accordéon Parade, sur le plateau d'accordéoniste, le bonjour de l'accordéon. Une émission pour les mordus du dépliant, pour les amoureux de l'accordéon. Et c'est 100% musette sur la bande FM. Tous les dimanches. Et voilà bientôt 35 ans que ça dure. Et c'est du direct. Mais, elle est toujours là, toujours aussi sympathique. Mademoiselle Riquita, et c'est Mab qui nous la présente, Riquita. Qui sont nés à Paris, il y en a d'autres qui sont nés dans le Berry. Moi je suis la deuxième catégorie.

passerait bien l'hiver. Oh Marie, Marie, Jeannie, mets-nous encore un coup, car pour toi, Marie, Jeannie, on vivrait à genoux. Merci à Jérôme Robert qui vient nous inviter dans un sympathique bar en Bretagne. Je vous rappelle que si vous aimez l'accordéon, eh bien le dimanche matin, c'est l'accordéon sur Sorgue FM avec Michel et ses amis accordéonistes pour son émission d'accordéon, accordéon parade. Alors réservez le dimanche matin, car il n'y en a encore pas pour longtemps. Tiens, Mimile Vacher. Alors Mimile, qu'est-ce que tu prends ? Ah, sacré Mimile, va. Il prend son accordéon avec sa belle-sœur qui va nous chanter le refrain. Son accordéon, Monsieur Émile Vacher. Thank you. Et oui, et après Laurent au Passo Doble, ben maintenant c'est Fabrice. Fabrice qui va nous interpréter un merveilleux tango. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et voilà, c'est fini pour Accorder en parade. On se retrouve mardi pour la rediffusion de l'émission. C'est à partir de 10h. Autrement, le direct, c'est tous les dimanches de 9h à 10h, 11h, voire. Et c'est une émission que vous propose, que vous présente Michel. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Également un bon mardi. Et puis, à bientôt sur les 91 MHz de Sorgia FM. Bye bye! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Bonjour ou rebonjour, auditrices, auditeurs de Sorgia FM. Alors, la forme ce dimanche? Comment allez-vous? Je vois que vous êtes plein de soucis, vous, madame, vous, monsieur. Qu'on se frotte la tête, qu'on tourne un peu dans la salle à manger, qu'on cherche quelque chose. Ah, vous cherchez une place pour mettre le sapin de Noël. Ah, Noël, c'est dans 3 bonnes semaines. Oui, oui, oui, il faut y penser, bien sûr. Au fait, est-ce que vous me réservez une place pour que je puisse mettre mes souliers? Ça serait drôlement sympathique. En 35 ans, ça serait la première fois qu'on me dit « Michel, amène tes souliers à la maison, tu auras un cadeau ». À part ça, tout va bien, c'est du bonheur d'écouter les 91 MHz de son GFM. Et puis je vous signale que le programme, la réalisation, c'est de Michel. Cette semaine, j'ai eu un sympathique auditeur que j'ai rencontré dans la rue. Dans la rue, oui, dans la rue. Et il me dit, Michel, vous avez passé un dimanche passé, une jolie chanson sur le Jura. Et je suis un jurassien de Bois d'Amont. Est-ce que vous pouvez me la passer, que je puisse l'enregistrer? Alors Jean, bon, il ne faut pas citer votre nom, Jean, vous savez, Michel est sympathique, vous m'avez tellement demandé ça gentiment, qu'on va écouter mon beau Jura, et c'est pour vous, pour le plaisir personnel, Jean, et vous pouvez l'enregistrer. Allez, pour vous, Jean, tout seul, mon beau Jura. Mon beau Jura, perso. Thank you. Eh bien voilà, c'était mon beau Jura et c'était pour votre plaisir personnel à vous, Jean. Et je pense que vous avez pu enregistrer cette merveilleuse chanson sur notre beau Jura. Allez, on continue la variété, on va écouter David Martial. J'ai fait tout ce qu'on peut faire. Tous les jours, le grand amour, des filles de toutes les couleurs pour me plaire. Sous toutes les latitudes, je sais les habitudes. Tant d'histoires pour savoir qu'il fallait revenir au point de départ. Car c'est là que j'ai trouvé Annabelle. J'ai eu le big flash pour la belle Anna. Je croyais connaître tous les modèles et j'avais mangé plus près de chez moi. Annabella, beau, beau, beau, beau, néné. Annabella, la peau douce à toucher. Annabella, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Annabella, le soleil sur la peau. Annabella, beau, beau, beau, beau, néné. Annabella, la peau douce à toucher. Annabella, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Annabella, le soleil sur la peau. Tout ce qu'il a trouvé belle Anna. Marie Galant, aussi, tu m'as appris à regarder d'une autre façon le monde. Avec les yeux éblouis de l'enfance, retrouver à marcher dans la vie. En oubliant la fureur et le bruit de ces temps de folie. Tu m'as appris à aimer et à aimer la vie. Blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chante à petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et on danse au coin du feu. Et dans chaque maison, il joue un air de fête. Partout, la table est prête et on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an, bonne année, grand-mère. Merci à Hubert Ledin qui vient de nous interpréter « vive le vent d'hiver ». Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'accordéon le dimanche de 9h à 10h, voire plus. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. C'est Michel qui vous propose cette émission. Et puis, vous pouvez réécouter plusieurs émissions de Sorgia FM sur Internet Popcast Sorgia FM. C'est l'accordéoniste en bleu, oui, quand monsieur Édouard Duleux se présentait, je l'ai vu qu'une fois à côté de Moirans-en-Montagne, au pont de la Pile. Et monsieur Édouard Duleux était tout en bleu. Ah, quel bel homme! Et Édouard, c'est un costaud puisqu'il avait fait les pompiers de Paris. Ah, les femmes, comme dit notre ami Edmond Tanière. Si une femme vous dit un jour, et je t'adore ma chérie, faites ma natation, ça ne sera point gratuit. Elle vous demandera sur ma nappe, petite Erin au chat, si vous voulez pas y prêter de l'argent pour payer sa loyer. Sa coiffeur, sa bottier, sa tailleur, sa médecin, et chez médicaments, toutes ces femmes d'Aster, vraiment n'ont point peur. Elles ne savent point s'il n'y a rien qui vient. Et cinéma et le dancing chez la mode, à rigoler et prater les hommes des autres. Mais nous, chez pauvres hommes, comme des malheureux, à ne sans rien dire là au coin de sa feu. Pas une femme, voyez-vous, si elle réfléchit bien, ça s'occupe et tout, et c'est bon à rien. Bah vous voyez, chez mes gens, j'ai né à la maison, aïe aïe aïe mes amis, c'est un vrai poison. Elle m'a fait des dettes à tous les quatre coins du pays, si bien que je n'ose même plus sortir par chier. Tous les jours et de quinzaine, j'a défile par douzaine, archeveux à bonheur, je vous le jure, ça suis honteux. Si ça continue, je vais rouler tout nu. J'ai une gagne pas assez pour pouvoir payer ces toilettes de scouderie, ces frisettes, qu'elle ça fait faire à la Miss Taguette. Même ici tout dit comme un malheureux, je n'ai même pas le moyen de faire couper mes cheveux. Je n'ai plus de drap dans ma lit, je n'ai plus rien d'Alcourbi. Mon Dieu, quel malheur avec ces femmes d'Aster. Eh ben vous, jeune homme, il faut faire attention à vous. Et ne faites pas comme nous, ne vous mariez jamais. Car si vous n'avez jamais été dans la misère, restez ben tranquille tout près de vous mère. Car quand on est marié, on est ben enchaîné, on est souvent cocu, battu et mal foutu. Toutes ces femmes d'Aster, vraiment n'ont point peur. Elles ne savent point s'il n'y a rien qui vient. Et le cinéma et le dancing chez la mode, à rigoler et prater les hommes des autres. Mais nous chez pauvres hommes, comme des malheureux, à ne sans rien dire là au coin de sa feu. Pas une femme, voyez-vous, si elle réfléchit bien, ça s'occupe et tout, et c'est bon à rien. Et oui, vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose une heure de détente, une heure de bonne humeur. Et bien sûr, qu'est-ce sûr. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'était pas beau, cette belle musique, c'est la marche des instruments de bois et c'est la famille Angèle qui nous vient du Tyrol et qui a interprété cette merveilleuse marche. Dites donc, au fait, qu'est-ce que vous pensez de Sorgia FM le dimanche matin? Je me pose cette question parce que je passe souvent des beaux morceaux du pittoresque, la musique de genre, et personne ne téléphone, donc ça doit pas vous intéresser. Mais ça vous intéresse pas, mais moi ça m'intéresse, alors j'en passerai tous les dimanches si vous aimez pas. Tant pis pour vous et tant mieux pour moi. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo, de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, du mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit? Sans cesse, bonheur fané, cheveux sauvants, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Merci à Julien Doré qui a interprété cette merveilleuse chanson « Que reste-t-il de nos amours ?» Et le samedi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les samedis, on écoute de l'accordéon et c'est Nicole Berger qui nous interprète « Les samedis ».

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et oui, vous êtes bien sur les 91, sur les 91 MHz de Sorgia FM, et vous êtes en compagnie de Michel. Merci aux nombreux coups de téléphone que j'ai eus, vous appréciez ma musique, et croyez-moi, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et puis, j'ai reçu un coup de téléphone, là, il y a peut-être une demi-heure, en me disant, mais Michel, est-ce qu'on pourrait savoir... Oui, voyez comme c'est écouté quand même. Est-ce qu'on pourrait savoir la pointure de vos chaussures? Car bien sûr, on va réserver une place pour vos chaussures, pour mettre sous la cheminée pour Noël. Alors quand même, c'est sympathique, mais à savoir, je dis bien à savoir, si le Père Noël va passer pour moi, et à savoir si c'est seulement pour m'encourager. On ne sait pas. Moi, mais ça fait rien. Allez, je vous rappelle que vous êtes bien sûr sur GFM et on va continuer avec une petite valse musette. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Bien voilà, l'émission tire à sa fin. Alors, auditrices, auditeurs de Sorgi FM, merci de vos nombreux coups de téléphone en fin d'émission. Merci. Cinéma, sur mon vélo près de... Et vous êtes tous encourageants puisque vous dites « Michel, n'arrête pas, n'arrête pas ». Mais savez-vous que Michel pense d'arrêter dans l'année qui vient ? Je vous le dirai en temps utile. Mais pour le moment, merci de vos compliments, de votre gentillesse. Et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver mardi à partir de 10h pour accorder en parade et dimanche variété. Allez, passez un bon dimanche, une bonne semaine et puis encore une fois un grand merci à vous auditrices, auditeurs sur GFM.